Je fais beaucoup de dua cette nuit. C'est pour ça que, comme c'est dans le hadith Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, idha adraktu laylat al-qadr, mada aqul? Qallaha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qouli, Allahumma innaka afoun, tuhibbu al-afwa, fa'afu anna. Ça, c'est une dua à faire. C'est lui qui yudrik hadhihi layla, il fait cette dua. Tad'u Allah, qu'Allah te pardonne tes péchés. Wa hakada. Wa hadhihi, c'est une dua azima jiddan. Ça prouve que l'insan, il doit faire du'a. Fi hadhihi al-layla. Il ne doit pas faire que cette du'a. Tu peux faire si'am. Aïe du'a tuhib tad'u biha. La basse. Walakin hadhihi du'a li azima. Pourquoi? Parce que si l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pardonne ses péchés, fa hadha khayr azim. Parce que ma huwa sabab? C'est quoi le plus grand sabab que les gens ils rentrent fi jahannam? Ma huwa sabab? C'est les péchés. On peut expliquer tous les asbab, min asbab dukhul jahannam, asbab dukhul nar, en une phrase, c'est désobéissance d'Allah. Celui qui fait du shirk, il a désobéi à Allah. Celui qui fait le bid'a, il a désobéi à Allah. Celui qui fait al-kabair, il a désobéi à Allah. Fait, si Allah il pardonne tes péchés, aflahta. Wa kana sababan min asbab dukhul jannah, qu'Allah il pardonne. Fa anta tad'u fi hadhihi al-laylat al-mubarakah. Tad'u pour toi, qu'Allah il t'offre, qu'Allah il t'khalik al-jannah. تقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكذلك تدعو pour tes parents qu'Allah يوفقهم qu'Allah il les préserve comme ils t'ont élevé quand tu étais petit يرحمهم وهكذا تدعو pour tes frères pour tes sœurs وهكذا les gens de ta famille وهكذا تدعو pour les musulmans وتدعو pour كل المسلمين qu'Allah يوفقهم qu'Allah ينصرهم على اعدائهم كذلك اخواننا المسلمين المستضعفين يعني في ارض الله الواسعه تدعو لهم qu'Allah يوفقهم. وهكذا تبلي بعد تدعو على الكافرين المجرمين الظالمين هكذا تبلي فيتن كي سيغ تير هكذا donc tu vois là dans qui se passe là les fitnes qui se passent à notre époque que ça soit en Tunisie ou là en Libye ou là en Syrie هذا تدعو على الكافرين لان الكافرين c'est هم السبب في هذا اما المسلمين tu vois c'est des pions اما السبب العظيم من اسباب هذه الفتن كي سباس هم الكفار فأنت تدعو عليهم في هذه الليلة لأنهم مفسدون في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فأنت تدعو عليهم. وكذلك من الأشياء التي تدل على أن هذه الليلة ليلة عظيمة سكو الله سبحانه وتعالى إلى شوازي وبيانبتو إلى il a révélé une surah kamila tatkallam an hadhihi al-layla surah al-qadr kamila a parle de laylat al-qadr qala allah ta'ala inna anzalnahu fi laylat al-qadr wa ma adraka ma laylat al-qadr laylat al-qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla' al-fajr hadhihi al-layla ali salam c'est-à-dire qu'elle y a la paix dans cette nuit hakadha hatta certains mufassirin disent que les shayatin ne peuvent pas faire de mal pendant cette nuit. Et on avait vu dans un Doros avant que, comme quoi, il a déjà, les shayatins, ils sont enchaînés pendant le Ramadan. Et on avait vu aussi que c'était pas tous les shayatins. Hein? On avait vu que c'était Ba'd al-shayatin, les mauvais parmi les shayatins. C'était pas tous. Les shayatins, on peut les diviser en deux. Ta shayatin min al-jin et ta shayatin min al-ins. Shayatin min al-jin, certains ils sont enchaînés, certains ils sont pas enchaînés. Amma shayatin min al-ins, ils sont pas enchaînés. Walakin fi hadhihi al-layla, Shayatin, que ce soit parmi les djinns ou parmi les ins, ils ne peuvent pas faire de mal. C'est pour ça que Allah a dit Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Wa kadhalik min fada'il hadhihi al-layla kama ja'a fi sahih Muslim anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se lève, qui fait qiyam al-layl pendant cette nuit, laylat al-qadr, Allah lui pardonne ses péchés. Et on avait vu aussi qu'il y avait dans d'autres que ce n'était pas les grands péchés, hein, que c'était les sarah et les denoux. Walakin, celui qui veut qu'Allah lui pardonne les grands péchés, fa yatubil Allah, il ramène les choses qu'on avait citées, qu'il avait ramené l'imam Nawawi dans Riyad Salihin, ou Inch'Allah, Allah yaghfir lahu denoux. Yann Allah ghafur rahim. Et l'insan, quand il fait le denoux, que ce soit le kabair ou le denoux, Allah sarah et le denoux, faut pas qu'il y ait yaqnot. Là, c'est galat. Parce que بعد, certaines personnes, ils ont une pensée que khalas. Personne, des fois, ils font péché, ils pensent que Allah jamais va lui pardonner. Hada, c'est khata. Ça, c'est une khata encore plus que certains péchés.

comme quoi ça se peut que c'est le 21, ça se peut que c'est le 24. Et le waqi' kadhalik. Des fois tu te lèves le 27, le 27e jour, tu vois le matin, là, le soleil, il y a des rayons qawi jiddan. Et des fois tu vois que le 23e jour, les rayons, ils sont pas... Et des fois, tu vois, matalan, yani, tu vois que les rayons, ils sont pas qawi. Fal khulasa, c'est que c'est pas tout le temps le 27. Hein, c'est les nuits impaires. Kadhalik, min alamat laylat al-qadr, c'est que pendant cette nuit, le soleil, il se lève, yani le, tu vas voir par exemple le 27, la journée du 28, le soleil il se lève, et puis il n'y a pas de rayon de soleil. C'est-à-dire qu'il se lève et tu peux regarder le soleil. C'est comme si c'était une lune. C'est-à-dire que ça ne fait pas mal aux yeux de regarder le soleil. Là, c'est min alamat laylat al-qadr, qu'il n'y a pas de rayon. Les rayons ne sont pas qawi. Tu peux les regarder. Kadhalik min alamat laylat al-qadr, c'est que c'est une nuit, pendant cette nuit, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Hein? Laylatul samha. Ni trop chaud, ni trop froid. Kadhalik min alamat laylat al-qadr, c'est nuzul al-matar, qui pleut dans cette nuit. Et c'est venu au temps du prophète sallam, où il pleuvait pendant laylat al-qadr. Et au temps du prophète sallam, il n'y avait pas comme on a la moquette à notre époque. Et il n'y avait pas de sadh. Le sadh, c'était des branches de palmiers qu'il les mettait au-dessus. C'est-à-dire que quand il pleuvait, la pluie a rentré. Et vu que c'était du sable, ça faisait du tain. Enfin, sahaba, ils ont vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait du tain dans son front. Enfin, ça se peut que des fois, l'ilat al-qadr, il pleut. Et Aziz, c'est min alamat, l'ilat al-qadr, on avait déjà vu le hadith dans l'Amdat al-Hakim. Ah, on avait déjà vu. Taïb. Enfin, Aziz, c'est des signes de l'ilat al-qadr que Mabni Abi ala al-Adilla. Pour comment, comme ça, tu reconnais l'ilat al-qadr. Wa hakada. Fa, avant, j'ai hâte al-qadr al-kifaya. Wa, inshallah, radan. يعني لا ما شاء الله samedi dimanche inchallah on fait un dars sur zakat al-fitr on ramènera inchallah zakat al-fitr wa ahkam zakat al-fitr on fera un dars sur est-ce que tu as le droit de sortir zakat al-fitr en argent hakada wa naqash la mas'ala on va ramener les hadiths là comme quoi c'est la yajouz de sortir zakat al-fitr وكذلك on va ramener les aqwal des ulama comme quoi c'est yajouz la yajouz de sortir zakat al-fitr en argent wa inna ma sunna tu la sors comme c'est venu dans au temps du prophète sallam wakada la sunna c'est que tu sors en nourriture wakada et puis après naqif ila ba'd ramadan wa sanandur madha sanamal ba'd ramadan subhanakallah bihamdika shalala ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakallah